Donc en fait, ça c'est une autre forme qu'on a mis en place qui est depuis le début. Donc en fait, c'est des interventions. Donc là, vous venez d'avoir le format en fait, quelle société veut-on? Là, c'est un format intervention. Donc Mathieu, Mathieu qui est là, vient nous parler en fait des liens entre le refus de la corruption, l'écologie radicale et l'anticapitalisme. Donc il va vous faire un speech pendant 20 minutes à peu près, à dire bah, ce qu'il a à dire. Et ensuite, nous allons passer sur la deuxième phase où on va faire 40 minutes. On va faire un échange entre vous, le public, et Mathieu. Donc après, vous allez pouvoir échanger avec lui, dire si vos convergences que vous avez par rapport à lui, il va vous répondre, etc. Donc voilà, donc je te laisse le micro, vas-y. Merci beaucoup. Moi, je vais mon intervention, je l'ai intitulée La corruption dans son milieu naturel, et je vais essayer de montrer pourquoi s'attaquer simplement à la corruption pas forcément la meilleure manière de prendre le problème. Donc la campagne présidentielle qui était déjà largement articulée autour des personnalités politiques, au risque d'occulter les grands enjeux sociétaux et les programmes, ça on a tous pu l'observer, c'est un trait déterminant de la Ve République et de son régime présidentiel. En fait, cette campagne, elle a encore réduit le spectre de sa vision depuis bientôt un mois pour se concentrer sur une question unique, c'est-à-dire la corruption présumée de François Fillon et celle un peu moins médiatisée de Marine Le Pen. La campagne présidentielle tend en fait de cette manière à se théâtraliser avec des rebondissements, des péripéties, des quiproquos, autant d'artifices qui sont en train de la faire basculer tantôt dans le vaudeville, tantôt dans la tragédie, mais qui la limitent à mon sens à un simulacre et qui maintiennent les projecteurs sur un nombre limité de protagonistes pour mieux finalement invisibiliser les forces sociales, les luttes, les classes populaires ou tout autre élément de la société dont on ne veut pas dans les médias ni dans les sphères du pouvoir qui puisse être reconnu comme sujet pensant et agissant. Donc les cendants ne sont de bons sujets médiatiques que quand ils sont de loyaux sujets de la couronne ou lorsque l'on peut les réduire à des objets sous la catégorie du casseur, jamais qualifiés de révoltés, car il faudrait alors dire contre quoi ils se révoltent. Donc sur la scène du drame politique contemporain, on joue une pièce qui s'appelle la corruption. Mon propos sera, à partir de cette scène exemplaire, d'essayer de me détacher d'une perspective purement individuelle, et donc des cas de François Fillon ou Marine Le Pen, pour envisager la corruption non point seulement comme une déviance des élus de la République, mais comme le régime général de l'économie capitaliste, et même au-delà, le produit d'un principe que j'appellerais tout simplement le principe de domination. Donc dans un premier temps, je vais parler un petit peu de l'aveuglement de classe. D'abord, de manière un peu provocatrice, j'ai envie de dire que quand M. Fillon dit qu'il n'avait pas pris conscience que les représentations du peuple français avaient changé sur la question de justement de fait de donner un emploi à son conjoint, j'ai presque envie de le croire en fait. Parce que d'une certaine manière, je pense que sur ce point-là, il ment pas totalement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne se perçoit pas lui-même comme un voleur. Un voleur, dans la représentation du monde qui est celle de François Fillon, c'est quelqu'un qui vous dérobe votre téléphone portable en pleine rue ou qui braque une banque. Les voleurs sont sales, violents, illettrés. Au contraire, rémunérer sa femme et ses enfants avec l'argent de l'État, capter tout le budget alloué aux assistants parlementaires pour s'enrichir ou pour favoriser ses enfants, dans le monde de M. Fillon, ce n'est pas volé. Pourquoi? Parce que, en fait, depuis qu'il est devenu député, et même probablement avant, tous ses pairs lui ont inculqué la légitimité de ce système de rémunération parallèle. Quand il dit ensuite, et qu'il le répète, par la voix de ses avocats, que le parquet financier n'a pas la compétence pour enquêter sur les rémunérations des assistants parlementaires, quand d'autres députés viennent affirmer que personne n'a à se mêler de ce que les députés font de l'enveloppe qui leur est allouée, bien entendu, ça vous choque, bien entendu, ça me scandalise, mais en fait, ils ne font qu'exprimer une coutume, une loi tacite, qui ne peut s'appliquer que tant qu'elle reste secrète, tant qu'elle demeure invisible, tant qu'elle s'applique entre soi, à l'intérieur de l'oligarchie. Donc, ils feraient sans doute mieux dans leur propre intérêt de ne rien dire et de continuer à faire tout tranquillement tant qu'on ne les attrape pas. Donc ça, c'est la question de l'aveuglement de classe. Et j'en viens évidemment après ça à mon deuxième point qui est celui d'une justice à deux vitesses. Il y a quelques jours, alors que les députés venaient d'étendre le cadre de l'usage de la force par la police, c'est-à-dire d'élargir les circonstances dans lesquelles les policiers peuvent faire usage de leurs armes, ils ont voté, quasiment en même temps, à un jour près, une modification de la prescription pour les délits occultes, comme l'abus de biens sociaux, le détournement de fonds, etc., réduisant à 12 ans le délai de prescription pour ces délits de col blanc, ces délits de bourgeois, alors que ce délai était, de l'autre côté, multiplié par 2 pour tous les autres délits et crimes. Alors, selon cette nouvelle loi, l'enquête sur les emplois fictifs de M. Fillon ne pourrait pas remonter au-delà d'une certaine date, vraisemblablement 2004, alors que Mediapart et Le Canard Enchaîné ont révélé que le système de pompage de l'argent public de M. Fillon serait en place depuis 1988 ou 1989. Bon. Et donc, c'est pas en fait un élu seul qui se drape dans sa dignité parlementaire pour échapper aux poursuites, ce n'est pas juste Marine Le Pen seule qui conteste la compétence du Parlement européen à lui demander des comptes et se soustrait à la police et à la justice, c'est l'ensemble des députés, qu'ils aient voté pour ou qu'ils se soient abstenus, qui s'amnistient collectivement, puisque le fait détournement par nature caché met du temps à être découvert. Alors, comme le disait quelqu'un la semaine dernière en Assemblée Générale, on peut désormais, en fait, piquer dans la caisse, et si on est assez habile pour le cacher pendant 12 ans, eh bien, on peut garder l'argent. Voilà. C'est la prime à la dissimulation, c'est la récompense au mensonge. Alors, du coup, indignez-vous, évidemment. Indignons-nous. Indignons-nous sans cesse. On peut fustiger les corrompus, comme on les nomme, tandis qu'ils se précipitent comme des rats pour changer le nom de, leur de leurs assistants parlementaires avant que le bateau coule. Parce que, en fait, c'est 20 à 25% des députés qui emploient leur conjoint ou un membre de leur famille proche. Donc, même si l'emploi n'est pas fictif, ce qui reste encore à prouver, ça s'appelle du népotisme et c'est vieux comme la République romaine. Donc, effectivement, il faut s'indigner. Mais pourquoi, en fait ? Pas juste à cause de ces cas isolés. Tout simplement parce que, en fait, le régime parlementaire, c'est un régime de classe. On a tort de s'indigner si on s'indigne simplement pour ça. Pourquoi ? Parce que si on se lamente simplement du comportement des représentants politiques, si on se plaint simplement et qu'on proteste que contre les agissements de Madame Le Pen ou de ses subordonnés du parti le plus corrompu et le plus condamné de France, en fait, si on se contente de s'étonner que Fillon soit pas le bon père de famille intègre et chrétien qu'il a toujours prétendu être, en fait, on a tort. On attend parce qu'on est naïf. Voilà. Cette corruption, en fait, elle n'est pas le fait des individus. Cette corruption, c'est en réalité la règle générale d'une classe. Donc, il ne faut pas être surpris. Il ne faut pas être étonné. Et il ne faut surtout pas rester dans une forme de sidération ou juste gesticuler, crier, et puis ensuite attendre qu'il se passe quelque chose. En fait, il est dans la nature d'un député de la République parlementaire. Alors j'avais écrit au départ, il est dans la nature d'un député de la République parlementaire d'être corrompu. Puis je me suis dit quand même, attention, on ne peut pas raisonner comme ça de manière aussi générale. Il est dans la nature, je dirais, d'un député de la République parlementaire d'être corruptible, c'est-à-dire d'être finalement en position d'être corrompu, de se trouver soumis à la tentation. Pourquoi ? Parce que il trouve, c'est l'explication qu'on nous donne, il trouve qu'il n'est pas assez payé et que d'une certaine manière, en fait, et là je vais être encore plus provocateur, en fait il a raison. Les députés ne sont pas assez payés. Pas assez payés pour leur emploi fictif parce qu'ils ne viennent pas voter à l'Assemblée, ils ont mieux à faire, pas assez payés surtout par rapport à la classe à laquelle ils appartiennent, c'est-à-dire à la grande bourgeoisie. Alors évidemment, il faut que j'explique. Il y a quelques jours, Alain Minck, qui est lui-même un grand détourneur du travail d'autrui, puisqu'il a coutume de plagier ses collègues, Alain Minck a déclaré, vous l'avez peut-être lu, il a déclaré que la raison de cette corruption, de ces détournements de fonds, c'est le fait que les députés ne sont pas assez payés. Et certainement, cette remarque, elle aurait pu s'étendre à une grande partie de la haute fonction publique. Évidemment, quand Alain Minck dit ça, ça choque. Moi, ça m'a choqué au départ, quand j'ai lu ça. Bon. Ça choque une partie de l'opinion et du coup on compare le salaire des députés avec celui des fonctionnaires par exemple, fonctionnaire de mérite catégorie B, pour lui le salaire de François Fillon paraît absolument mirifique. Quand on le compare au SMIC, au salaire moyen des Français, la disproportion elle est encore plus flagrante. Mais en fait si on s'en tient là, on peut pas du tout comprendre. Parce que Alain Minck, c'est pas du tout un abruti. Alors, je suis pas venu pour dire du bien d'Alain Minck, très loin de là. Pour moi, dans ce combat, c'est l'ennemi. Mais si on réfléchit un petit peu, pourquoi Alain Minck dit cela ? Il dit ça parce que lui, en fait, il compare pas du tout le salaire de François Fillon au vôtre, au mien, à celui du Français moyen. Il compare le salaire de François Fillon et les avantages qui y sont liés, il y en a plein, à ceux de sa classe, à ceux de la grande bourgeoisie dont il est issu et dont il est le représentant et le protecteur. Et là, les choses s'éclairent un peu. Parce qu'en fait, François Fillon n'est pas du tout député de la Sarthe. François Fillon est député de la grande bourgeoisie et de ses châteaux à X pièces que cette grande bourgeoisie appelle maison. Parce que oui, en fait, quand vous êtes un grand bourgeois comme lui et que vous passez naturellement par les grandes écoles que sont Sciences Po, HEC, Normale Sup, l'ENA, non pas pour y apprendre quelque chose, mais pour en fait vous retrouver avec les gens qui vous ressemblent, quand vous avez connu tous ces privilèges de votre classe et que vous choisissez la voie de la politique, eh bien vous trouvez que le salaire d'un député, en fait, c'est pas grand-chose. Parce que M. Fillon ne compare pas son salaire au vôtre, au mien, au salaire moyen des Français, il le compare au salaire de ses pairs de classe, au salaire de ceux qui sont issus, comme lui, de la grande bourgeoisie et qui sont désormais patrons de grandes entreprises, avocats banquiers et qui, comme M. Macron, par exemple, gagnent sur une opération de rachat, ce qu'ils appellent FUSAC dans leur jargon, 2 millions d'euros d'un coup de baguette magique. Soit bien davantage que ce que M. Fillon a pu patiemment détourner sur son enveloppe parlementaire, petit bout par petit bout, pendant 10 ans. Alors vous me direz, pourquoi M. Fillon, du coup, n'a-t-il pas fait comme les autres grands bourgeois qui sont allés travailler dans le privé pour s'enrichir? Pourquoi n'a-t-il pas fait comme Emmanuel Macron? S'il a choisi le service public, la carrière politique, bah, il n'a qu'à assumer d'être moins bien payé. Ça paraît logique. Voilà, en fait, on lui en demande beaucoup. Et j'en viens à mon quatrième point, la politique au service du capitalisme. C'est-à-dire, en fait, finalement, pourquoi François Fillon est devenu député? François Fillon est devenu député pour servir la France. Pas du tout. François Fillon est devenu député parce que sa classe sociale a besoin qu'il le soit. La grande bourgeoisie a besoin de gens comme François Fillon à l'Assemblée pour maintenir ses privilèges. Imaginez que demain, tous les grands bourgeois se mettent à travailler chez Nestlé ou Total. L'Assemblée se remplit de députés ouvriers. Demain, les députés ouvriers votent des lois qui protègent les travailleurs, qui augmentent les salaires minimums, voire même qui nationalisent, mon Dieu, Nestlé et Total. Et du coup, ben c'est pas possible. Voilà, ça c'est juste pas possible. Donc, la bourgeoisie conservatrice a besoin d'être représentée au Parlement, à l'Assemblée, au Sénat. Elle a besoin de M. Fillon, de M. Dassault, autre escroc notoire. Je dirais même plus, les grandes entreprises françaises et étrangères ont besoin que François Fillon soit député. AXA Assurance, qui a été client de la société de conseil de François Fillon, créée de manière habile juste avant qu'il devienne député, AXA Assurance a besoin que François Fillon soit député, pour que François Fillon puisse, depuis l'Assemblée, démanteler notre système de sécurité sociale. Je vais même dire plus. Les grandes entreprises ont besoin que M. Fillon soit député, comme elles ont besoin que messieurs Niel, Berger, Pigasse soient propriétaires du journal Le Monde, que M. Drahi soit propriétaire de Libération, L'Express, RMC, MTV, etc. Bon. Les grandes entreprises capitalistes, donc, et les grands patrons de la finance ont besoin de contrôler l'Assemblée et le Sénat comme ils ont besoin de contrôler la presse. Et la presse française est structurellement corrompue comme l'Assemblée nationale est structurellement corrompue. Ce qui ne veut pas dire que les députés, pas non plus dire ça, que les députés individuellement ou les journalistes individuellement détournent de l'argent ou désinforment volontairement. Mais au-dessus d'eux, il y a un comité de rédaction, il y a un président du groupe socialiste, il y a un patron de multinationale qui leur fait comprendre que s'ils veulent garder leur emploi, leur carte de presse, leur siège à l'Assemblée, leurs dons pour financer leur campagne, eh bien, il faut avaler la couleuvre, il faut s'abstenir de voter contre telle ou telle loi inique, d'où l'absentéisme à l'Assemblée, et il faut se soumettre. Les journalistes et les députés, aujourd'hui, pour la plupart, travaillent vraisemblablement dans un cadre qui organise la malhonnêteté, ou bien ils se censurent, ou bien ils sont censurés. Alors parfois ça se voit. Si vous vous rappelez, l'année dernière, ce sénateur qui s'appelle Michel Raison, qui était interviewé par une journaliste de Cache Investigation, dans un couloir de l'Assemblée nationale, sur les questions alimentaires, tout à coup sa collaboratrice intervient, oulala, et il se lève. Et il oublie qu'il a avec lui un micro-cravate, et on l'entend s'entretenir avec sa collaboratrice qui lui propose d'appeler l'ANIA, c'est-à-dire l'Agence Nationale de l'Industrie Alimentaire, donc justement un lobby, voilà. Alors c'est aussi ça, la corruption. Et déjà en 2011, trois députés européens avaient été piégés par des journalistes en acceptant de déposer des amendements contre de l'argent. Je vous renvoie au Monde du 20 mars 2011. Ça se voit, enfin. Ça devient très visible quand Vincent Bolloré censure des reportages sur des entreprises dont il est actionnaire ou propriétaire. J'en viens donc à mon cinquième point sur la presse entravée. En 1945, dans le programme du Conseil national de la Résistance, figuraient de nombreuses mesures pour éviter le retour du fascisme et de l'oppression. Parmi ces mesures, il y avait la sécurité sociale, 26 avril 1945, 46, pardon, celle-là même que M. Fillon veut démanteler pour confier notre santé aux intérêts privés des compagnies d'assurance. Parmi ces mesures, il y avait aussi la nécessité d'une presse libre, libre des influences politiques, libre des grands intérêts financiers. Ce n'est plus le cas, comme cela a été largement démontré par les cartographies du monde diplomatique et d'Achrimène, hein, qui exposent la concentration des organes de presse aux mains de grands patrons, dont beaucoup sont multimilliardaires. A l'inverse, qui est à la pointe des révélations sur François Fillon, Mediapart et Le Canard Enchaîné, c'est-à-dire deux organes de presse libres. Parce que seule la presse libérée des patrons du CAC 40 peut aujourd'hui interpeller quelqu'un comme François Fillon. Le reste de la presse a suivi avec plus ou moins de réticence, en profitant parfois pour prendre sa défense, hein, ou donner beaucoup d'espace pour se défendre, même s'il le fait très mal. S'ils avaient passé sous silence, ça se serait un peu trop vu. Donc ils ont relayé, ils n'ont pas pris d'initiative, ils ont laissé Mediapart et Le Canard Enchaîné faire leur travail en observateur plus ou moins complaisant, sans trop se mouiller. Donc François Fillon riposte, François Fillon s'attaque aujourd'hui à la presse, c'est logique. Il dénonce une campagne de presse qui serait selon lui un coup d'état institutionnel. Et du coup je reviens à la question centrale de la corruption. D'abord je vois pas comment la dénonciation d'un député corrompu pourrait menacer les institutions de la 5ème République, parce qu'il n'est pas président d'abord, que je le sache. Et puis, il se donne beaucoup d'importance, c'est une place qui n'est pas la sienne. En fait, son obstination à vouloir demeurer candidat décrédibilise tout simplement la droite traditionnelle. Elle menace de pousser effectivement ses électeurs les uns vers Macron, les autres vers le Front National. Mais là où c'est extrêmement intéressant, et là où, où son comportement est étonnant, et même dangereux en fait pour le système qu'il défend, c'est que en se maintenant en candidat, il exhibe, finalement, il rend visible quelque chose qu'on aurait pu mettre rapidement sous la table avec une condamnation d'ici 2 ou 3 ans et plus de candidature de Fillon remplacée par un autre propre. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que ça dure. Voilà, le scandale de la corruption dure et on commence à comprendre en fait comment il est organisé. Alors ensuite, M. Fillon s'en prend au parquet national financier et donc à l'appareil judiciaire. Il dénonce le non-respect de la séparation des pouvoirs. Mais justement, la séparation des pouvoirs consiste dans le fait même que les députés ne soient pas au-dessus des lois, que la justice ne soit pas au service de l'exécutif, etc. Alors on a coutume de dire que l'arbre cache la forêt, et on a envie de dire que François Fillon et Marine Le Pen ne sont que la partie émergée de l'iceberg, soit 10% de la réalité. À mon avis, c'est pas du tout ça. En fait, François Fillon et Marine Le Pen, c'est la boule de neige posée au sommet de l'iceberg, comme l'étoile au sommet du sapin de Noël, comme la cerise sur le gâteau. Et donc j'en viens à mon sixième point, qui est cette question de quoi la corruption est-elle le nom ? C'est-à-dire, après avoir vu tous ces exemples et presse et envisagé le système parlementaire comme un système de classe, oui ? Juste sur une annonce, je te laisse derrière après. Ok. C'est juste pour faire une annonce, en fait. Comme vous savez, on a besoin de dons pour exister, pour faire des manifs, etc., pour créer des choses. À la bibliothèque de Beau, vous avez une caisse, une boîte de chaussures noires. Donc même 10 centimes, même des pièces rouges, on prend. Donc c'est bien de nous aider pour qu'on continue, qu'on puisse continuer dans ce qu'on fait. Donc vous avez une caisse qui est juste là. Après, bah, vous n'êtes pas obligé de donner, mais si vous pouvez nous donner, ça nous aiderait beaucoup à continuer. Voilà, c'était juste l'annonce. Et pareil, si vous voulez nous aider, on est preneur de toute personne pour Nuit Debout. Vous allez nous voir, vous venez nous voir, on vous note, on a de vos coordonnées pour que vous puissiez nous aider aussi. On a aussi besoin de monde pour faire tout ce qu'on a à faire. Voilà. Merci. Donc je vais maintenant essayer d'élargir un petit peu le propos, comme j'ai dit que je le ferai tout à l'heure. Penser les choses de manière un peu plus systémique. Donc de quoi la corruption est-elle le nom ? En fait, le mot de corruption désignait au XVIIIe siècle la pourriture, l'altération de la substance par décomposition. Dans ce sens, le mot relèverait aujourd'hui des sciences naturelles, de la biologie plus précisément. On retrouverait alors, si on voulait prendre cette piste-là, toutes les métaphores du corps politique. Mais la corruption, c'est aussi l'altération du jugement, du goût, du langage. Par exemple, lorsque l'on parle d'interpellation musclée pour désigner un viol en réunion par personne dépositaire de l'autorité publique. les détournements de fond sont aussi, en fait, des détournements de forme, des détournements de sens. Ce n'est qu'en troisième sens qu'on trouve dans le Robert des noms communs, qui est ma source au départ, la définition de la corruption comme le fait de corrompre moralement. Avilissement, dépravation, gangrène, perversion, souillure, vice. Et enfin, quatrième sens, emploi de moyens condamnables, c'est-à-dire bakchiche, pot de vin, dessous de table, pour faire agir quelqu'un contre son devoir. Alors on voit que l'enrichissement personnel, dont on soupçonne François Fillon, parce que c'est au départ ça, l'abus de biens sociaux, n'est même pas envisagé par le Robert comme un phénomène de corruption. Pourquoi ? La raison, elle est très simple en fait. C'est parce que la corruption des députés, ce n'est pas le ridicule million d'euros siphonné par Fillon sur le nom de sa femme qui, semble-t-il, n'avait rien demandé. La corruption des députés, c'est leur soumission aux intérêts du capitalisme. La corruption politique, c'est quand le traité du CETA, ratifié par le Parlement européen, va donner aux grandes multinationales la possibilité d'attaquer les États en justice si leur législation leur est défavorable. La corruption, c'est quand des parlements nationaux ou européens adoptent des traités qui permettent aux multinationales de mettre de la merde dans les assiettes du peuple, alors qu'eux-mêmes, ces peuples, demandent une alimentation moins opaque, plus saine, plus respectueuse de l'environnement. La corruption, c'est quand les élus de la République s'abstiennent ou s'absentent de l'Assemblée lorsqu'on y vote des lois iniques et sécuritaires, contraires à l'intérêt commun. La corruption, c'est quand le rapporteur de la loi sur la réversibilité d'un projet d'enfouissement de déchets nucléaires de l'ANDRA, l'Agence nationale de gestion des déchets, quand le rapporteur de la loi est le patron de l'ANDRA lui-même, comment pourrait-il aller devant les députés et argumenter autre chose que la parfaite sécurité et viabilité du projet qu'il a lui-même piloté ? La corruption, c'est quand EDF, grand ami et partenaire naturel de l'ANDRA, implante ses nouvelles archives tout près du futur site d'enfouissement de déchets nucléaires pour drainer les emplois locaux et soumettre les habitants à la pression économique de leur employeur, en plus de celle politique des élus locaux qu'ils ont arrosés de fric depuis 20 ans. La corruption, c'est quand le porte-parole de François Fillon est rémunéré depuis 2011 par Chimirec, une entreprise condamnée pour le traitement frauduleux de déchets polluants. La corruption, c'est quand les politiques publiques sont évaluées par ceux-là même qui les ont pensées et menées et qui sont au service du grand patronat et des actionnaires. La corruption, c'est quand le CICE, le grand projet d'exonération d'impôts au profit des entreprises, ne sert pas à embaucher ou à investir dans le progrès technologique, mais à payer des dividendes aux actionnaires du CAC 40, 48 milliards depuis 2013, de cadeaux fiscaux aux entreprises, accordés sans distinction, sans justification, sans contrepartie. C'est-à-dire que les entreprises n'ont pas à prouver qu'elles ont embauché ou investi pour continuer à bénéficier de ce dispositif, adopté sous forme d'amendement dans la loi de finances, sans étude d'impact, sur la seule foi de Pierre Gattaz, qui, patron du MEDEF, qui promettait que le dispositif allait créer 1 million d'emplois. 1 million d'emplois. Ça, c'est de la corruption. Pendant ce temps-là, le nombre de chômeurs, a augmenté sur la même période environ 500 000. La corruption, c'est quand un gouvernement accepte que ses fonctionnaires fassent l'aller et retour entre secteur public et secteur privé, alors que leurs intérêts sont en conflit évident, à moins que l'on finisse par admettre, et peut-être qu'on va finir par le faire à force de dévider la pelote de François Fillon, que, en réalité, le ministère de l'économie et des finances est au service de la banque Rothschild et des autres banques que le gouvernement s'empresse de renflouer lorsqu'elles s'effondrent d'avoir été trop gourmandes et trop corrompues. La corruption, c'est quand Christine Lagarde accorde sans y regarder à deux fois quelques centaines de millions d'euros à Bernard Tapie, qu'elle est ensuite condamnée mais ne purge aucune peine, ne paie aucune amende, n'est même pas destituée de la moindre fonction qu'elle occupe. La corruption, c'est quand l'inspection générale de la police nationale laisse revenir dans les rangs de la police un homme qui, lors d'une interpellation en 2000, avait eu la bonne idée d'introduire un enjoliveur de voiture dans les fesses d'un prévenu. Comment s'étonner qu'en 2017, des agents de police qui sont sous sa responsabilité de commissaire de police d'Aulnay-sous-Bois reproduisent la même agression, cette fois avec une matraque, histoire de varier les plaisirs. Prise dans ses conflits d'intérêts, corrompue jusqu'à la moelle, l'IGPN invente pour le protéger la qualification de viol par accident. Quand je parlais de corruption du langage, c'était exactement ça. La corruption, c'est donc aussi quand les institutions d'un pays ne sont plus au service du plus grand nombre, mais d'une caste oligarchique, quand ces institutions ne servent plus à protéger les plus fragiles, mais à les criminaliser. La corruption, c'est quand les puissants s'organisent entre eux et, contrairement à nous, ils sont très organisés pour se placer au-dessus des lois ou pour faire voter des lois qui les protègent. La corruption, c'est quand nos démocraties se mettent à faire des affaires avec les dictatures, quand des entreprises françaises vont faire des bénéfices dans des pays où les droits humains ne sont pas respectés et que par ricochet, ces mêmes droits humains cessent d'être une référence pour les gouvernants car ils entravent la logique capitaliste. La corruption, c'est quand, oubliant les droits humains au nom du libéralisme économique, notre pays refuse d'accueillir les peuples qui fuient la dictature, la guerre, l'oppression et la mort. La corruption politique, ce n'est pas seulement ceux qui sont corrompus, c'est surtout ceux qui corrompent. Regardez qui leur donne de l'argent et pourquoi. Landra donne de l'argent pour faire taire les opposants à des projets dangereux et illégaux. AXA donne de l'argent à François Fillon. On ne sait pas pourquoi, sans doute dans l'espoir qu'il promeuve une politique favorable à ses intérêts. Chimérec donne de l'argent à Thierry Solaire, sans doute pour obtenir de lui quelque avantage compétitif ou l'oubli de certains dossiers gênants. La corruption, ce n'est pas seulement piquer dans les caisses de l'État ou des collectivités locales pour son enrichissement personnel. La corruption, c'est surtout prendre l'argent des multinationales pour mener une politique qui leur bénéficie et non une politique qui bénéficie au plus grand nombre. Alors, quand j'ai commencé à écrire ce texte, je l'ai vraiment écrit dans une perspective de convergence des luttes, parce que j'entendais parler de récupération, vous voyez, stop corruption, c'est pas ci, c'est pas ça, etc. En fait, si, complètement. Et si on sectionne le problème, si on sédimente le problème, on va pas y arriver. Parce que si vous êtes contre la corruption, vous êtes forcément aussi contre tout ça. Vous êtes forcément aussi contre le capitalisme et toutes les autres formes de domination. Et si vous n'êtes pas contre le capitalisme, sachez que lui, de toute façon, quoi qu'il arrive, il est contre vous. Aujourd'hui, il y a des manifestants qui retrouvent le chemin des places publiques pour protester contre la corruption. C'est très bien. Il faut comprendre qu'elle est indissociable du capitalisme. À ceux qui voudraient croire que nettoyer les écuries d'Augias suffirait, j'ai envie de vous répondre, il faut tuer l'hydre de Lerne dont les têtes se multiplient à mesure qu'on les coupe. La corruption est le mode naturel d'existence et de fonctionnement du capitalisme, parce que le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est la confiscation des fruits du travail par le capital, c'est la confiscation de la richesse par une oligarchie, c'est fonder la richesse des uns sur l'appauvrissement des autres, c'est soumettre à l'intérêt financier de quelques-uns toutes les ressources de la planète et l'humanité entière. La corruption, qui sacrifie l'intérêt général au profit d'intérêts particuliers, est l'instrument ordinaire du capitalisme et non pas une exception. Il n'y a pas de capitalisme sans corruption, et si vous voulez vous défaire de la corruption, il n'y a pas 36 chemins, il faut vous défaire du capitalisme. Je le dis pas par goût du raccourci démagogique, juste parce qu'il est nécessaire de replacer le comportement indélicat de nos élus, et il est indélicat, dans une logique qui les englobe et qui les dépasse. Parce que, en fait, François Fillon, avec son million, il est juste ridicule. Parler du capitalisme, aujourd'hui, c'est devenu, en fait, obscène pour toute une partie de la gauche. Mais, devant le MEDEF, François Fillon, lui, il n'a aucun scrupule, il n'a pas de notion d'obscénité du tout, à parler du capital par opposition au travail. Il n'hésite pas. Pourquoi, en face de lui, le Parti Socialiste, par exemple, n'ose plus évoquer l'opposition entre capital et travail? Je ne comprends pas. Et, si on réfléchit, on comprend. C'est tout simplement parce qu'à un moment donné, la droite a tout simplement gagné. La droite a tellement gagné que le Parti Socialiste n'hésite pas, par moment, à faire sa politique à sa place. Et du coup, on ne parle plus du capitalisme comme de Voldemort, hein, on ne prononce pas son nom par peur. Et c'est ça c'est le fondement même du déni. Si je fais semblant que Voldemort ne soit pas de retour, c'est comme s'il n'était pas vraiment de retour, hein, n'est-ce pas? Allez, on va rester tranquillement et non, je veux pas voir. Mais on n'est pas des enfants. Hein, on n'est pas des enfants, on ne croit plus au Père Noël. Alors pourquoi de l'autre côté, on ne veut pas voir le vrai visage qui se dissimule derrière le masque de la corruption, c'est-à-dire celui d'un système qui œuvre à la domination, à l'exploitation généralisée, l'exploitation des hommes par d'autres hommes dans les entreprises, l'exploitation des femmes par les hommes partout, l'exploitation des animaux par l'homme dans des fermes-usines, l'exploitation du continent africain par toutes les anciennes puissances coloniales devenues néocoloniales, l'exploitation effrénée de la planète, enfin par toute l'espèce humaine. On peut inventer 50 manière de nommer le diable, il n'en sera pas moins le diable, le principe même de division, et nous serons les victimes de la corruption tant que nous serons divisés. Il y a ceux qui se mobilisent contre les violences d'une police corrompue qui organise parfois au plus haut niveau le trafic de drogue, c'est récent, contre une police qui tabasse et qui viole dans les banlieues défavorisées comme si c'était de nouvelles colonies, prenant sans doute exemple sur une armée qui tabasse et viole dans les pays d'Afrique où elle intervient. Il y a ceux qui se mobilisent contre le CETA, ou contre le nucléaire et sa logique absurde de production de déchets mortels dont le coût est incommensurable et que l'État va devoir financer avec nos impôts au lieu de construire des écoles, par exemple. Il y a ceux qui se mobilisent justement contre l'accroissement des inégalités scolaires, comme moi. Il y a ceux qui se mobilisent contre ces inégalités parce qu'elles permettent à la classe dominante de rester dominante, qu'elles condamnent les plus défavorisés à la double peine d'être pauvres et d'apprendre dans des lycées qui sont eux aussi pauvres. Il y a ceux qui se mobilisent contre les inégalités de salaire entre hommes et femmes et pour la fin du plafond de verre. Si je faisais la liste des combats à mener, en fait, on est ici jusqu'à demain soir. Pourtant, ces luttes, systématiquement, se croisent. Il existe un point où elles convergent, un point à partir duquel nous pouvons mener tous les combats qu'il faut mener, et ce point-là, c'est le principe de domination. Mais ne nous arrêtons pas à la corruption dans notre lutte, parce que ce qui nous choque dans la corruption, c'est bien l'injustice. Et ce qui produit l'injustice, c'est pas la corruption de François Fillon. Ce qui produit l'injustice, c'est le principe de domination. Nous sommes tous, à divers degrés, des produits et des agents des systèmes de domination. Alors comment lutter ? Le capitalisme, il a très bien compris ça. Il nous encourage à ne pas confondre, à ne pas faire d'amalgame, et sous ce prétexte-là, nous enseigne à ne voir que par le petit bout de la lorgnette. Voyons plus grand. Voyons mieux. Voyons ensemble. Il n'est bien entendu pas question d'arrêter de lutter contre la corruption, de dénoncer les individus qui détournent, volent, mentent, favorisent leurs amis, au lieu de servir l'intérêt public. Mais il ne faut pas non plus s'en tenir là. Il ne faut pas arrêter de lutter, mais il faut arrêter de lutter chacun dans son côté. Et j'en viens donc à mon septième point, la convergence des luttes. Apprendre à voir partout où il se déguise le principe de domination, cela ne s'appelle pas de la récupération comme j'ai pu l'entendre, cela s'appelle une prise de conscience. Jeudi dernier, j'étais à une assemblée qui proposait un premier tour social. Bon, très bien, pourquoi pas ? Si le gréviste criminalisé qu'on empêche d'exercer son droit peut apprendre à voir la domination à l'œuvre dans le viol d'un jeune de banlieue noir, racisé, donc loin de lui, s'il peut voir la même domination à l'œuvre dans ce viol par la police, pourquoi pas ? Cette domination, moi, effectivement, j'ai envie de l'appeler capitalisme. Parfois, je suis tenté de simplifier, de réduire, parce que tout le monde connaît ce nom-là, parce que c'est familier. Mais je crois que même quand on parle seulement du capitalisme, allez savoir pourquoi, on passe pour un sectaire, on passe pour quelqu'un qui ne réfléchit pas, quelqu'un qui viendrait du passé. Mais le capitalisme, bien sûr qu'il vient du passé, mais le capitalisme, il a aussi un avenir qui est tout prévu pour vous et pour moi. Parce que l'oligarchie fera ce qu'il faut pour préserver son mode de vie, son confort, son insouciance, comme elle le fait déjà dans certains pays en érigeant des murs de béton entre ses terrains de golf et les favelas. Alors oui, j'emploie le mot de capitalisme, non pas comme la source de tous les maux, mais comme le modèle le plus évident du principe de domination. Je suis, moi aussi, contre la corruption. Et parce que je suis contre la corruption, je suis aussi anticapitaliste. Mais dans l'autre sens, c'est aussi parce que je suis contre toutes les formes de domination que je suis contre le capitalisme. Il n'y a pas pour moi de contradiction, de solution de continuité. Quand on lutte contre le nucléaire et sa puissance destructrice qui met en danger l'existence même de l'humanité, on lutte aussi contre le capitalisme, en même temps qu'on lutte contre la destruction de l'habitat naturel d'animaux qui n'ont pas demandé à mourir. Quand on lutte contre le CETA, on lutte pour la démocratie, puisque ce traité est adopté contre la volonté des peuples, et en même temps, on lutte contre la destruction environnementale, contre la cuisine aux pesticides. Quand on lutte contre l'invasion publicitaire, on lutte aussi contre le sexisme, on lutte aussi contre la course effrénée à la consommation qui n'enrichit pas et ne rend pas plus heureux, mais qui profite aux capitalistes. On lutte aussi contre le matraquage des esprits par une idéologie omniprésente qui distrait l'homme de ses vraies préoccupations. On lutte contre le gaspillage d'énergie des écrans lumineux, alors que certains ne peuvent pas se chauffer chez eux. Appelez l'ennemi capitalisme si vous voulez, appelez-le corruption, appelez-le système de domination. Ces mots désignent les facettes différentes d'une même réalité qui change d'aspect selon le point d'où on la regarde et l'échelle à laquelle on la regarde, mais qui ne change pas de nature. C'est pour ça que je parlais de milieu naturel de la corruption. La grande force de l'oligarchie régnante, reconnaissons-le, parce que le masque derrière l'ennemi, il n'a pas changé. La grande force de l'oligarchie régnante, c'est de nous avoir convaincus avec la social-démocratie, par exemple, que le capitalisme pouvait prendre visage humain, qu'il pouvait être éthique, qu'il pouvait être un ciment social. Il ne le peut pas, il ne le veut pas, il ne l'a jamais voulu. La logique capitaliste, c'est de dérober toujours davantage le profit du travail pour le donner aux plus puissants. C'est la logique des banques qui nous encouragent à contracter des crédits, à devenir des esclaves de la dette. La corruption capitaliste, c'est quand une banque mondiale pousse un pays entier vers la faillite pour en faire une zone de prolétariat docile à force de désespoir. La logique du capitalisme, c'est de vous exploiter le plus possible en s'assurant bien de ne jamais franchir les limites de l'inacceptable et en faisant tout ce qu'il peut pour repousser en même temps la limite de ce qui est acceptable, en nous inculquant le sens de la fatalité, en nous gorgeant de pensées uniques, en payant des bouffons pour nous divertir et nous faire oublier que nous sommes, d'une manière, des esclaves. Du pain et des jeux, rien de nouveau sous le soleil de la servitude volontaire. Diversion et écran de fumée, François Hollande prétend lutter contre l'évasion fiscale d'un côté, il donne de l'autre main 48 milliards d'allègements fiscaux aux entreprises. François Hollande n'est pas un président qui a trahi ses promesses, François Hollande est simplement un illusionniste qui a raté son numéro. Tout va bien, du moment qu'il donne l'impression de lutter contre la corruption, il n'a pas vraiment besoin de le faire, il a seulement besoin d'être vu en train de le faire. Donc soyons plus perspicaces, sans sombrer dans le complotisme, qui est juste un autre masque de la domination. Demandons-nous simplement comment les politiques accomplissent ce prodige qui consiste à rester au pouvoir malgré leur corruption latente. Comment est-ce qu'ils parviennent? Comment ils vont continuer à le faire aux élections régionales, aux élections législatives, à se maintenir malgré les mensonges? Parce que c'est ça qui est proposé. Que les élus soient réélus. Voilà, ça qu'on nous propose. Comment est-ce qu'ils rendent acceptable cette situation? Comment on fait accepter la victoire d'une classe? Comment on fait de nous, non plus des esclaves du système, mais des gardiens de ce même système, par un autre mensonge d'abord, hein, celui qu'aucun autre monde n'est possible, comme disait Pangloss à Candide, par l'optimisme, la rage d'affirmer que tout est bien quand tout est mal, mais ce mensonge n'y serait pas suffisant. Il faut y ajouter la terreur. Le capitalisme, comme tout système de domination, règne par la terreur, par la mise en scène de la terreur, en nous montrant ce qui arrive quand on lui désobéit. Ce qui arrive quand on désobéit, vous le voyez tous les jours. C'est la mort dans la rue. Nous pourrions aujourd'hui, si nous le voulions, et c'est là peut-être la corruption la plus difficile à voir, nous pourrions aujourd'hui, si nous le voulions, s'il existait une volonté politique de le faire, loger tous les sans-abri. Et il n'y aurait même pas besoin de récupérer l'argent de l'évasion fiscale pour faire ça. Ou même de la fraude patronale. Tous les S2 francs, tous les SDF... Pardon, tous les SDF de France, pardon, demain, nous pouvons les loger, nous ne le faisons pas, le pouvoir s'y refuse. Pourquoi? Parce que le déclassement, la pauvreté visible, la misère du chômage et de l'exclusion qui en résulte, ça sert d'avertissement et de menace. Les SDF ne sont pas dans les rues parce que nous ne pouvons pas les loger, ils sont là parce qu'ils sont instrumentalisés, eux aussi, comme l'épouvantail qui fait que nous nous tenons à carreau, que nous restons dans le rang, que nous acceptons notre sort parce que nous craignons qu'en nous battant pour nos droits, nous risquons de tout perdre. Ils sont, de ce point de vue, instrumentalisés dans la construction de l'acceptabilité sociale. J'en arrive à mon point 8. C'est que la guerre sociale aura bien lieu. Elle a déjà commencé. Parfois, on s'attaque pas aux criminels par le biais le plus évident. Parfois, en fait, on les fait tomber par les biais les plus inattendus. Al Capone, par exemple, avait tellement corrompu la police de Chicago qu'il était impossible de l'inculper de meurtre ou de quelque autre grand crime de notoriété publique. Il faisait faire ça par d'autres. Bon. Al Capone est tombé parce qu'il ne payait pas ses impôts. Peut-être qu'aujourd'hui, on peut faire tomber le capitalisme en tant qu'idéologie et l'oligarchie qu'il maintient en place comme système de domination en luttant contre la corruption. Peut-être, j'en sais rien. J'y crois pas trop. Bon. Ça me semble pas suffisant. Mais pourquoi pas? Ce qui est sûr, c'est que nous sommes en guerre sociale, c'est pas moi qui le dis, c'est François Fillon, lui-même, dans le discours qu'il a tenu devant les grands patrons français, que j'évoquais tout à l'heure. Le fameux passage du Blitzkrieg. Ça désigne au départ la guerre éclair menée par l'Allemagne contre la France en 1940, et l'Angleterre en 1940. Écoutons-le. Je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas entendu ce discours absolument magnifique. Moi, ce que je veux, c'est que le 1er juillet, les deux ou trois ministres chargés des réformes, l'économie et les finances, le travail pour l'essentiel, arrivent avec des textes prêts et dans une forme de blitzkrieg, fassent passer devant le Parlement, en utilisant d'ailleurs tous les moyens que donne la Constitution de la Ve République, les ordonnances, les votes bloqués et le 49-3, tout ce qui est nécessaire. Fassent passer en l'espace de 2 mois, les vacances, sans interruption estivale, les 6 ou 7 réformes fondamentales qui vont changer le climat de l'économie et du travail dans notre pays. c'est évidemment pour moi l'abrogation des 35 heures et la suppression de la durée légale du travail et le renvoi à la négociation dans les entreprises sans contrainte. C'est le nouveau code du travail, c'est la réforme de la fiscalité du capital. Et il le dit, le capital. Voilà. Nous, on n'ose pas le dire. Enfin, en tout cas, à gauche, il n'y a pas beaucoup de gens qui osent le dire. Lui, il ne se prive pas. Et donc, voilà, réforme de la fiscalité du capital, fondamentale pour relancer l'activité économique dans notre pays. Alors, dans ce long oral, qui dure à peu près une heure, Fillon explique également comment il compte organiser un référendum en septembre 2017 afin de prolonger la tension électorale de la présidentielle, de sorte que la tension se concentre sur les questions du référendum, ce qui lui permet de juguler toute velléité de contestation sociale. Voilà exactement comment cet homme entend corrompre un outil démocratique pour s'en servir comme d'un outil au service de l'oligarchie. Le référendum, utilisé comme instrument contre la démocratie, il fallait tout le cynisme et toute l'arrogance de classe d'un grand bourgeois comme François Fillon pour tenir ses propos publiquement. Mais ne vous y trompez pas. À travers François Fillon, ce n'est pas l'individu seulement qui s'exprime, c'est le capitalisme et le principe de domination. Alors quand j'entends dénoncer la corruption, et je vais finir par ça, je me réjouis. Mais je ne peux pas m'empêcher de me méfier. Parce que cette dénonciation, elle risque fort de situer la corruption dans un paradigme dangereux. Celui de la différence entre le normal et le pathologique. La corruption serait une maladie de la République et il faudrait s'en défaire pour restaurer la santé du corps politique. Il y aurait des brebis galeuses à mettre en quarantaine, des indélicats qui suffiraient de contrôler pour vivre dans le meilleur des mondes possibles. Or, à mes yeux, cette opposition entre santé et maladie, dont la frontière se situerait sur l'interface entre corrupteur et corrompu, cette opposition qui reprend l'image biologique que j'évoquais tout à l'heure, elle n'est, à mes yeux, plus vraiment opérante. Cette conception de la frontière entre le normal et le pathologique cache un fait essentiel, c'est que la normalité capitaliste est une maladie, une pathologie humaine en soi. Ou, pour quitter définitivement le vocabulaire médical, pour transférer dans un vocabulaire philosophique, que le principe de domination, dont la corruption capitalisme est une donnée fondamentale et non pas contingente, le capitalisme est anti-humaniste. Merci. Merci à toi. Donc maintenant on va partir sur le mode débat. Donc un débat avec ce monsieur-là. Donc pour faire les tours de parole, faites-moi un signe de la main. Donc vous pouvez parler comme vous voulez, bien sûr, etc. Voilà. Donc qui veut parler et faire un débat avec ce monsieur? On ne mord pas. Excuse-moi, comment tu t'appelles? Mathieu Brichard, c'est... Oui, enfin voilà. Il était si brillant, je n'avais pas entendu depuis si longtemps une telle exposé. Donc, je voulais juste vous donner quelques éléments pour renforcer ce qu'il disait. 1989, j'ai fait 45 jours grève de la faim pour que des films français avec un contenu français, sans que la télévision soit mêlée dans le droit de faire comme on veut les films, puissent passer à la télévision française. Et c'était, j'ai été soutenue par 60 000 collègues et personnes, et je vais faire les leçons du théâtre d'Antoine Vitesse. Et Arte a acheté 7 films et elle n'a jamais passé aucun des films sur à l'époque Canal, je ne sais pas quoi. Quand 86 il y a eu Maastricht, il y a eu une Anschluss sur la manière de faire la culture comme en Allemagne. Maintenant, les Allemands pleurent parce qu'il n'y a plus de culture en Allemagne. Et donc, qu'est-ce que c'est la culture allemande? De consensus, ce que si bien Mathieu a expliqué. Il fallait pas qu'il y ait de la politique, pas de la lutte des classes, pas de... Je ne vais pas vous énumérer ce qu'il a si bien dit, mais les films, Si vous, aujourd'hui vous faites un film français sans le genre de la télévision, vous ne pouvez pas montrer Mathieu à la télévision française et vous ne pouvez pas du tout montrer un Français qui parle politique ou qui pense. C'est interdit. Donc soyez au courant que la seule solution, c'est de chasser le nazisme financier qui nous menace et qui n'est pas du tout de capitalisme, et que les social-démocrates renforcent. Ne vous faites pas des illusions. Il n'y a pas de social-démocratie. Il y a des nazis financiers. Donc, par conséquence, quand je disais à mes camarades qu'ils seront dans ma situation, il y a un an, aucun film documentaire ne peut être fait sans l'argent de la télévision. Ils ne peuvent même plus faire des films. Moi, je m'appelle Maria Koleva, j'ai 883 films que j'ai tournés, même si je suis chimiste, et je ne vais pas vous parler de moi. Allez sur Internet et vous allez vous perdre. Moi, j'ai pas d'Internet, YouTube. Mais ce que je veux dire, c'est que la seule solution, ce que les Islandais ont réussi, c'est 15 jours, arrêt de la consommation. On n'achète rien. Et les petits là, quand une femme parle, ras-le-bol. En Bulgarie, c'est les femmes qui gèrent tout. Et Dilma Rousseff gérait tout un continent, cette Bulgare, mais les hommes l'ont coulé. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que 15 jours, tout arrêt de la consommation, les financiers s'écroulent, on chasse tous ces idiots qui veulent être présidents de la République, on fait une assemblée constituante et on change de société, on permet aux jeunes de prendre le pouvoir et il n'y aura plus de capitalisme parce qu'en Islande, ils l'ont réussi, mais ils n'ont pas pu chasser le capitalisme. Leurs banquiers sont en prison en Islande et ils ont nationalisé les banques. Donc je ne vais plus vous fatiguer parce que ce que je dis, pour les vieux qui pensent que leur retraite va être touchée avec cette méthode, n'est pas une bonne méthode. Mais ils se trompent. Trump, Monsieur Trump des États-Unis, il veut faire de l'industrie. Donc il a dit qu'il allait taxer les Wall Street. Et Wall Street va se fâcher et tout ce qu'il a perdu là-bas va le récupérer ici. En ce moment, les banques allemandes mangent comme une crevette l'Italie grâce à la mafia italienne-américaine et nous sommes, notre tour, on est les prochaines. Donc, organisez-vous. Moi, je suis pratique parce qu'au départ, je suis ingénieur et je vous propose. Pas après le sang qui va couler parce qu'ils veulent du sang, les vieux. Comme 86, quand sur le boulevard Saint-Michel, il y avait des morts. Mais avant que ça arrive, de 5 au 20 mars, on ne sait rien. Au bout de 15 jours, au bout de 15 jours, moi je répète depuis un an tout ça, mais ça a réussi aux États-Unis une journée. Et je peux dire que ça a réussi quand on parle ici devant la place de la République. Donc, 15 jours, c'est rien pour sauver le pays, pour sauver le pays du sang aussi. Celui qui fait 5 guerres en Afrique, il fera ici que le sang coulera. Voilà. Donc, organisez-vous, poussez les syndicats, poussez les partis, le parti avec, à qui vous croyez, à qui je crois moi, je pense que vous savez que les communistes c'est les seuls, et puis, voilà, et je me dépêche parce que lui, il a vécu 35 ans, pas 35, lui il est jeune, mais 35 ans, ni coupable, ni responsable, ni on prend une décision. Résultat, on a comme ce monsieur qui dit que je répète, mais lui, il veut voter pour quelqu'un. Et moi, je suis contre les présidents qui contre les idiots qui se présentent pour des présidents de la République. Voilà. Bravo. Merci. Tu veux parler? Allez, vas-y. C'est, tu me dis si tu veux répondre après ou tu me fais un signe si tu veux faire des réponses aux gens. Je suis là. Alors, déjà merci Mathieu. On m'a juste demandé de transmettre. En fait, une dame m'a dit que tu parlais super bien et voilà. Donc elle te remercie. Et on te remercie tous, et ça fait plaisir d'avoir des interventions à EducPop. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait. Et commencer par toi, c'est cool. Donc merci. Tu voulais réagir ou je. Oui, très. Dans le flow est extrêmement dense, toutes les choses qui viennent d'être dites. Il y a la question du format, de ce qu'on diffuse. Il est très clair que, et c'est ce dont il était question un peu tout à l'heure aussi à propos des médias, que les formats actuels de diffusion, notamment des émissions politiques, déterminent un peu à la manière dont la publicité segmente et coupe les choses. Empêche en fait le développement d'un discours qui soit un discours vraiment construit. Moi, quand je me suis dit le message que je voudrais porter aujourd'hui, c'est celui de la convergence des luttes. J'aurais pu dire ça en 30 secondes. Dire il faut pas y aller tout seul, chacun dans son coin sur sa problématique, il faut y aller tous ensemble. Mais une fois que j'ai dit ça, une personne qui est pas anticapitaliste va me dire oui mais moi je peux pas lutter avec le copain d'à côté qui est sur pour une autre problématique que la mienne. Pour arriver à expliquer ça, il a fallu que je prenne quelques heures et que je prépare une intervention qui était finalement beaucoup plus longue que ce qu'on avait prévu. J'ai parlé grosso modo 45 minutes et je suis pas sûr qu'en 45 minutes j'ai réussi à être vraiment convaincant sur la section, sur l'intersectionnalité des luttes. Et je crois que le format médiatique actuel, où à la télévision, on demande aux candidats, la primaire, c'est extraordinaire, vous avez 2 minutes, 3 minutes pour dire quelque chose d'intelligent. Mais c'est pas possible, en fait, de dire quelque chose de vraiment construit et de vraiment argumenté en 2 ou 3 minutes. Ben, ou alors, je sais pas, le QI des hommes politiques a augmenté de manière exponentielle. Je crois pas qu'on puisse vraiment tenir un discours qui soit un discours rationnel et un discours convaincant en 2 ou 3 minutes. En 2 ou 3 minutes, on a le temps de dire aux gens qui sont déjà convaincus ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est-à-dire que en 2 ou 3 minutes, on arrive à sortir une formule choc qui va peut-être faire basculer un petit pourcent ou 2 petits pourcents de la population des voteurs d'un côté ou de l'autre. On va prendre un petit avantage. Mais on va pas fondamentalement arriver à convaincre quelqu'un qui est pas convaincu de quoi que ce soit. Donc le format actuel de la diffusion médiatique du discours politique tend à stabiliser en réalité les gens dans les camps qui sont les leurs. Il n'est pas possible pour une voix dissonante, et là je pense à la sous-représentation par exemple de discours qui ne sont pas des discours centristes, il n'est pas possible de tenir, comme je l'ai fait aujourd'hui, pendant 45 minutes, un discours construit qui va faire comprendre à une personne quelque chose qu'elle n'avait pas compris avant. Parce que c'était ça le but. Mais ça, déjà en 45 minutes, c'est pas facile. Mais en 2 ou 3 minutes, c'est tout simplement impossible. On ne fait pas changer les gens d'avis, on n'ouvre pas le regard des gens, on ne peut pas transmettre quelque chose de nouveau en 2 ou 3 minutes. En 2 ou 3 minutes, on ne peut que renforcer des préjugés, on ne peut que tout simplement focaliser des gens sur des positions sur lesquelles ils sont déjà. Voilà. Et ça, il me semble que sur ce que vous disiez sur l'invisibilisation de certaines formes d'art et notamment d'un art engagé, ça me paraît absolument fondamental dans le dispositif. C'est-à-dire que Si vous avez quelqu'un qui vient vous tenir un discours militant pendant 45 minutes ou quelqu'un qui fait un film d'une heure et demie pour arriver à expliquer quelque chose qu'un reportage de France 2 ou de BFM va réduire à une ou deux minutes, eh bien c'est sûr que vous n'êtes pas sur la même... Vous n'avez pas la même action. Vous n'avez pas la même action. En deux minutes, ça passe comme une information. Pour que ça commence à devenir... Pour qu'il puisse y avoir un apprentissage à partir de ça, il faut rester plus longtemps. Il faut pouvoir argumenter. Il faut pouvoir construire. Et on ne peut pas construire en deux ou trois minutes. Voilà, ça c'est clair. Ok, alors, donc du coup, là, n'hésitez pas à réagir hein, sur ce qui s'est dit. Le but, c'est de lever la main, je peux aller vers vous. Il n'y a aucun souci par rapport à ce que vient Mathieu. Le but, c'est qu'on puisse échanger ensemble. Donc, n'hésitez pas, le micro... du coup, j'ai repris la modération, donc je voulais parler, mais je me retrouve un petit peu... Hein ? Tu veux parler ? Je sais que tu veux parler. Ah, si tu veux. Bon. Moi, en tout cas, ce qui a été dit, effectivement, ça m'a fait penser un petit peu la discussion et le débat qu'on avait eu sur les nombreuses discussions sur le revenu universel. Et en fait, on se disait le revenu universel, c'est comme un pansement si on le fait dans notre société actuelle et dans la société capitaliste, l'expression que tu as employée beaucoup de fois. Et effectivement, on se rend compte, mais qu'en fait, j'ai l'impression, en t'entendant, que la corruption, c'est quasiment c'est pareil, quoi. Parce que si on combat la corruption dans un système qui est lui-même mais largement corrompu, mais à tous les étages, parce que le bakchiche, est-ce que c'est une forme de corruption? Je pense. J'ai en mémoire quelqu'un avec qui j'avais discuté et qui me disait, moi je suis dans le sud de la France. Aujourd'hui dans le sud de la France, par exemple, vous voulez monter un restaurant ou un bar, etc. Faut donner une enveloppe avec des billets dedans pour avoir les autorisations. Et c'est un truc qui est généralisé. Alors j'ai rien contre le sud de la France, hein. En plus ma famille y est, mais il y a une espèce de culture comme ça qui fait que, en gros, c'est les pratiques locales, et si on ne le fait pas et qu'on arrive sans son enveloppe de billets, on passera à la trappe. Et c'est vrai que l'affaire Fillon, entre guillemets, a remis la corruption un petit peu sur le devant de la scène au niveau national. Mais quand on réfléchit 3 secondes et qu'on prend du recul, en fait, on la voit à peu près partout et elle est existante. Et c'est vrai que c'est un... Voilà, j'ai pas spécialement... En fait, t'as dit plein de choses et j'ai pas spécialement de questions parce que je suis quasiment d'accord avec tout. Donc c'est un peu dommage, mais voilà, je voulais réagir par rapport à ça. Je vais juste répondre sur cette question du bakchiche. À partir du moment où vous avez une personne qui est en position dominante et donc en position de recevoir de l'argent, et une personne qui est dominée dans la relation et qui donc doit donner de l'argent pour obtenir quelque chose qu'elle devrait obtenir, non pas avec de l'argent, mais selon le principe de l'intérêt général, on est dans le schéma général de la corruption, qui est aussi le schéma général de la relation de domination. Ça me paraît absolument indissociable. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de montrer. Voilà, pour répondre très rapidement. Merci beaucoup. Donc, je rappelle que là, on est dans la partie débat. N'hésitez pas à prendre la parole, que ce soit pour poser des questions, pour ajouter des choses par rapport à ce que Mathieu a dit. Le but, c'est vraiment qu'on participe tous à ce débat de façon à ce que ce soit plus constructif. Et si vous avez aussi des points de vue opposés, si vous avez des remarques à faire, vous levez la main et on prend votre tour de parole. Donc moi, c'était par rapport à ce que tu parlais là pour la convergence des luttes. Tu as parlé de pas mal de luttes. Et moi aussi, je fais ce constat depuis longtemps. Et il y a longtemps que j'entends parler de convergence des luttes. Et c'est vrai qu'il y a plein de luttes, chacun lutte de son côté, et même des fois c'est des luttes un peu qui peuvent s'opposer parfois, hein. Il y a des gens qui sont pas tout à fait d'accord dans leur lutte ou dans leurs moyens d'arriver à... C'est tout le problème, c'est aussi les moyens qu'on utilise pour arriver à changer les choses, quoi. Là c'est vrai que les gens sont pas toujours d'accord non plus. Donc moi c'est peut-être même le terme convergence des luttes. En fait, il y a plein de luttes, Chacun lutte pour ses petits avantages, et une fois qu'ils ont leurs petits avantages, ben ils rentrent chez eux, quoi, et on n'avance pas, quoi. Et c'est vrai qu'on se disperse chacun dans des petites luttes, et donc on parle de convergence des luttes. Moi, je me demande s'il faudrait pas, au lieu de parler de convergence des luttes, si on ne devrait pas parler d'une seule lutte, quoi, et qui serait cette lutte contre le capitalisme, justement, pour renverser le capitalisme. Et voilà, quoi, je pense que, je pose la question, est-ce qu'il faudrait pas parler d'une seule lutte, renverser le capitalisme, plutôt que de parler d'une convergence des luttes, et de plein de luttes, quoi, voilà. N'hésitez pas, levez la main, et puis je vous passe le micro, hein. Ouais, tu veux répondre maintenant, ou... Vas-y. J'ai du mal à répondre à plusieurs questions à la fois, donc je vais les prendre une par une. La question de la convergence des luttes. Oui, en fait, quand vous entrez en lutte, vous êtes par définition dangereux. C'est-à-dire que quand vous entrez en lutte, quelle que soit la lutte pour laquelle vous allez vous mobiliser, y compris d'ailleurs certaines fois... à l'extrême droite, hein, parce que il y a aussi des choses qui se passent à ce niveau-là. À un moment donné, vous vous retrouvez face à une convergence de la résistance, parce que la résistance, elle converge. Ça, vous pouvez en être sûr. Nous, on a beaucoup de mal à converger, mais par contre, la résistance politique et la résistance financière. Et la résistance policière, elles convergent, mais alors sans aucun problème. Il y a une solidarité là, de ce point de vue, mais qui n'est pas une solidarité voulue, je dirais, volontaire, consciemment. Il y a une solidarité de fait, parce que tout le monde se tient. Tout le monde se tient, ils sont complètement indissociables, et ils ont beaucoup de mal, lorsqu'on leur demande de se séparer, ils ont beaucoup de mal à séparer leurs problématiques. Donc, si nous, on y va diviser vers des gens qui, eux, au contraire, savent très bien unir leurs forces, c'est sûr, ça va pas marcher. Alors, du coup, est-ce qu'il n'y a pas une lutte ? Moi, ce que j'ai essayé de démontrer, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que on peut toujours ramener cette question de la lutte à une question de savoir où sont les rapports de dominants et de dominés. Et que si on élargit le point de vue à partir d'une lutte, qu'on l'élargit à ça, automatiquement, on se rend compte qu'on croise les autres luttes. C'est-à-dire que, je vais pas redire ce que j'ai dit tout à l'heure, on croise les autres luttes à partir du moment où on cesse de regarder par le petit bout de la lorgnette, mais où on connecte intellectuellement les choses, et que dans une lutte, on interprète la relation en tant que système de domination. Et à mon avis, c'est pour ça que quand j'ai écrit mon papier, j'écrivais capitalisme. Et ça me gênait. Ça me gênait parce que je sentais bien que je risquais, en employant le mot capitalisme, de hérisser le poil de tout un tas de gens qui sont très déterminés dans leur lutte, mais qui sont pas forcément anticapitalistes. Et c'est pour ça que j'ai fait l'effort d'aller au niveau encore au-dessus d'abstraction, qui est celui du rapport de domination. Et donc j'ai infléchi mon propos à l'intérieur de ce que j'écrivais pour arriver à finalement prendre le dénominateur commun de toutes les luttes que j'ai pu croiser, parce que je parle d'exemples qui sont aussi des exemples vécus, de tout ce que j'ai pu croiser, et à chaque fois je peux les penser en termes de rapport de domination. Et donc, si vous voulez... parler du capitalisme, c'est vrai que ça hérisse le poil des gens, mais si on lui donne son vrai nom, entre guillemets, si on l'identifie comme rapport de domination, en mettant de côté le terme capitalisme qui a une telle histoire et qui est tellement, tellement surconnoté qu'il en devient peut-être illisible et inaudible. Mais parler de système de domination, c'est pas encore illisible, c'est pas encore inaudible. Et du coup, peut-être que ça permet de penser au-delà de l'espèce de brouillard de désinformation et de déculturation qu'il y a eu sur la pensée de gauche et sur les mobilisations de classe, et de se remettre à penser. Parce que effectivement, quand quelqu'un dit je suis contre le capitalisme, on va dire ah ouais, mais tout de suite, mais t'es sectaire, t'es CGT, etc. Mais non, pas forcément. Le problème, c'est que ce genre de catégorisation empêche de penser. Et qu'aujourd'hui, quand on dit qu'on est anticapitaliste, on est immédiatement catégorisé et ça empêche de penser. Donc, ce que je propose, humblement dans ce que j'ai écrit, c'est de mettre peut-être un peu provisoirement de côté le terme de capitalisme et de le remplacer par système de domination. Ça change rien sur le fond. C'est juste qu'il y a un terme qui devient, au bout d'un moment, le terme de capitalisme devient un terme aveuglant. Voilà. C'est dommage parce que en fait il devrait pas l'être, mais c'est un terme qui est aveuglant, qui est clivant, alors que en réalité pourquoi il est aveuglant et clivant, parce que il a été transformé, détourné, dévalorisé par toute une partie de l'intelligentsia, et que donc il est devenu illisible et impensable. Mais si on pense en termes de domination, on peut recommencer à penser peut-être de manière un peu plus audible, un peu plus compréhensible. Voilà. Merci. Donc il y avait le monsieur qui était là, qui est parti. Non, il y avait toi aussi. N'hésitez pas à lever la main, je vous passe la parole si vous avez des remarques, des questions, des choses, des oppositions aussi. Bonjour, merci pour la conférence. Je voudrais rajouter quelque chose de supplémentaire. Donc c'est très bien de parler de corrompus, mais je crois qu'il va falloir parler aussi de clientélisme, parce que les mêmes qui sont corrompus, ils se font réélire régulièrement, parce qu'ils ont un système de clients. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole ? Oui. Ouais. Donc, ouais, j'ai bien aimé ton discours, très clair, très bien agencé. Mais bon, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre le capitalisme ? Et quel nom on va lui donner, justement, comme tu dis, système de domination ? Est-ce que c'est pas finalement l'argent qui est le problème de fond, puisque c'est le moyen qu'ils utilisent pour dominer les peuples et pour corrompre les gens, si tu veux. Est-ce que c'est pas l'argent, justement, que les banques peuvent produire comme ça autant qu'ils veulent, ex nihilo ? Il paraît qu'ils produisent, la BCE produit 80 milliards par an, comme ça, et on sait bien que les banques ne prêtent qu'aux riches. Donc est-ce que c'est pas l'argent, est-ce qu'il ne faut pas supprimer l'argent dans nos rapports sociaux et fonctionner avec d'autres systèmes, le troc, les dons, les échanges, voilà. Merci, je prends une autre question, puis après tu réponds ou tu réponds maintenant ? Après je vous donne le... D'abord, la première chose sur le clientélisme, entièrement d'accord. J'en ai pas parlé. Je rajouterai si jamais j'ai à reparler de ce sujet. Oui, bien sûr que il y a. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens avaient de la peine à témoigner auprès de journalistes à visage découvert quand on a commencé à aller rencontrer les gens dans la circonscription de François Fillon, parce que il y a aussi des rapports personnels, bien sûr, et ça c'est la grande force aussi de toute façon la bourgeoisie sait organiser les rapports interpersonnels et se comporter en société. Donc elle sait organiser, manipuler et se forger une clientèle, bien sûr. Mais oui, enfin je ne peux qu'abonder dans ce sens-là. Je n'ai pas pensé à en parler, parce que il y avait beaucoup de choses dont il fallait que je parle, mais évidemment. Et pour répondre alors à l'autre... Oui, alors sur la question de l'argent. Je suis pas du tout économiste, pas philosophe non plus, mais je suis pas du tout économiste, et du coup, je vais avoir... je veux bien qu'il écoute la réponse, le monsieur. J'ai pas de réponse ferme et définitive là-dessus, sauf à dire que on n'a pas attendu l'invention de l'argent pour avoir des rapports de domination. et que le capitalisme s'est emparé effectivement de l'outil qu'est l'argent et lui a donné une place absolument centrale, sachant que l'argent n'a que la valeur qu'on lui prête. C'est-à-dire que c'est principalement d'ailleurs les billets, hein, parce que bon, les pièces, on peut encore dire qu'elles ont une valeur parce que ça peut se convertir en métal précieux que éventuellement on peut fondre, etc., qui est une espèce de valeur refuge. Hein. De toute façon, l'or, l'argent, etc., c'est effectivement des valeurs refuges, mais déjà des valeurs refuges dans un système d'échange. Bon, mais le billet de banque n'a de valeur que quand on quand on a confiance en lui. Et la preuve, c'est que en Allemagne, en 1928, on imprimait des billets de plusieurs milliards de marques, et que d'un jour sur l'autre, il fallait en imprimer des différents, parce que il y avait une dévaluation telle de la monnaie que d'un jour sur l'autre, il fallait consommer ce qu'on et dépenser son argent, parce que le lendemain, il vaudrait plus rien, on pourrait plus rien acheter avec. Donc effectivement, l'argent, c'est clair, être au centre de l'organisation aujourd'hui, de l'organisation de la domination. L'argent, c'est le moyen de pression du FMI pour asservir et mettre à genoux un pays comme la Grèce. Ça, c'est évident. Maintenant, et c'est pour ça que je suis assez sceptique quand on fait tourner tous les débats autour de la monnaie unique, de l'euro. Pour moi, ça n'est pas changer la monnaie, c'est une manière de chercher à restaurer de la souveraineté. Et je me méfie de la souveraineté. Je me méfie de la notion de souveraineté parce que la notion de souveraineté, c'est celle qui consiste à dire que ici on est chez nous et que ce qui se passe de l'autre côté de la frontière ne nous concerne pas et n'existe pas. Donc j'ai beaucoup de mal avec le discours souverainiste et ce qui me gêne, c'est que le discours, bien sûr, ce qui me gêne dans le discours sur l'argent, c'est que bien souvent, c'est en réalité, il déguise en réalité un discours souverainiste. Et ça me gêne. Alors, est-ce que sa suppression réglerait le problème? Toute à elle seule, non. À elle seule, clairement pas. Il faut pas attaquer juste l'argent. Il faut attaquer les rapports de domination, quels qu'ils soient, tous ensemble. Alors, là, j'ai pas de solution politique concrète à proposer. Je suis venu avec une analyse et avec surtout une argumentation pour essayer de répondre à des questionnements que j'ai pu entendre sur finalement est-ce qu'on s'allie avec qui et qui récupère quoi, etc. Donc vraiment dans une perspective de convergence des luttes. La question de l'argent, vraiment, là, il faut poser la question à des gens qui sont compétents, et c'est pas moi. Merci. Du coup, je vais prendre les derniers tours de parole. Donc, 1, 2, et on finit d'ici à peu près 10 minutes, parce qu'après, on va commencer l'assemblée de coordination. Donc, l'assemblée de coordination de Nuit Debout et de tous ceux qui veulent converger et qui ne se sentent pas forcément sous cette étiquette, qui n'en est pas une d'ailleurs. Ok, bonjour. Je m'appelle Claude. Le copain, là, il nous a fait une démonstration tellement claire que c'est extrêmement difficile d'intervenir dessus parce que c'était vraiment limpide. Alors, je vais essayer juste de tirer un fil. Tu as dit là-dedans, tu as dit à un certain moment, et tu as pris la précaution de dire, tous les députés, tous les journalistes ne sont pas tous corrompus. Sous-entendu, ils ne sont pas tous pourris. Mais il y en a quelques-uns quand même. Et... il n'y a pas que. Parce que si nous ici, si on s'en regarde ou si on réfléchit un petit peu, qui n'a pas sauté un portillon de métro, qui n'a pas trafiqué une note de frais, qui n'a pas fait... Bon, on n'est donc pas parfait, on n'est pas chez les bisounours. Et le problème, c'est que, admettons qu'on bazarde le système capitaliste et qu'on crée un autre système qui serait par principe parfait... On pourra pas se... il faudra bien l'organiser. Hein. Une locomotive toute faite, c'est jamais apparu sur les rails. Il a fallu la faire, il fallait une organisation. Donc, on va donner des pouvoirs à des gens. Et si on donne des pouvoirs à des gens, ils vont s'en servir. Et si on n'a pas le moyen de contrôler ces pouvoirs, de les limiter, etc., on n'aura rien gagné, parce que forcément, parmi tous ces gens imparfaits qui sont là autour et ailleurs, il y en a bien quelques-uns qui vont à nouveau se corrompre, corrompre les autres, etc. Donc on a ce problème-là. Moi, je dirais que la situation étant aussi pessimiste qu'elle a été présentée, maintenant, le problème, c'est comment est-ce qu'on en sort ? Et comment est-ce qu'on en sort ? Moi, je pense premièrement que il faut se poser la question, comment est-ce qu'on y est entré ? Alors, comment est-ce qu'on y est entré ? Ici, enfin, moi, j'ai un peu travaillé là-dessus. Il s'est passé quelque chose en 1945. En 1945, les Américains nous ont donné un coup de main pour gagner la guerre, vous vous rappelez ? Enfin, on en a entendu parler. L'industrie américaine a fait d'énormes efforts pour ça. Elle est arrivée chauffée à blanc. Et puis, en 45, c'était quoi ? C'était le 12 juin, non ? Bon, tout s'est arrêté. Et à ce moment-là, l'industrie américaine, qui était à fond lancée, elle avait le choix entre deux solutions. C'était une, bon, j'arrête tout, on repart aux États-Unis, puis on, tout doucement dans une économie de paix, et tant pis pour les bénéfices. Ou la deuxième, c'est on traverse l'Atlantique et on s'étend un peu partout dans le monde. Et il y a eu quelque chose, certains se rappellent peut-être de la Havane, c'était la charte de la Havane. C'était simplement l'ONU qui cherchait à relancer l'économie mondiale en disant, voilà, on la relance comme avant, c'est-à-dire libre-échange dans les pays dans la mesure où ils sont démocratiques, et puis contrôle aux frontières des pays. Ça a été refusé par le Sénat américain, et on a entamé 50 ans de négociations avec tous les pays un par un pour créer un autre système, c'était les GATS. En 1995, on a fini par aboutir sur la création de l'OMC, qui est l'OMC, c'est finalement la décision que le libre-échange est obligatoire et que les frontières n'existent plus. Voilà, il faut supprimer les frontières. Et à partir de là, donc, on a mis en place un système qui reconnaît d'abord le rapport de force et la concurrence. Et on est là-dessus depuis cette époque-là, on est là-dessus. Et aujourd'hui, on a des anomalies, je dirais, qu'on va peut-être pouvoir expliquer plus tard, comme Trump qui arrive en disant, oui, attention, les multinationales qui viennent d'Europe, elles me concurrencent. Hein, si vous écoutez bien, c'est bien ça qui se dit en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de ça ? Les gens, on est tous, depuis la guerre, on nous explique que effectivement la concurrence, tout ça, et bien entendu, chacun pour soi et chacun doit gagner. Donc, c'est vraiment, je dirais, quelque chose qui s'est développé de manière culturelle. Hein. Aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui qui sont nés aujourd'hui, ils n'ont jamais connu autre chose. Et on a du mal, effectivement, à travers le phénomène FN ou d'autres. Bon, on a toujours pensé, bon, ben, moi d'abord, les autres après, puis s'ils nous emmerdent, on leur casse la gueule. Hein, c'est un petit peu ce qui se développe. Hein. Eh bien, il faut revenir à un autre système culturel. Et moi, je pense que la lutte finale pour nous tous, c'est une lutte à la fois culturelle, et il faut arriver à ce que les gens aient plus envie de la coopération que de la concurrence. Et ça, c'est vraiment le boulot qu'on a à faire. Merci beaucoup. Alors, donc, je vais donner la parole aux deux dernières personnes qui l'ont demandé, et trois. Bon, après, il faut vraiment qu'on arrête. Et ensuite, je te laisserai conclure. Je dis juste deux petits points. Il y a le DAL et d'autres associations qui sont en train de réquisitionner un logement là-bas et qui ont besoin de soutien. Donc, vous allez vers le bout de la place. Ensuite, vous tournez à droite et c'est au bout de la rue. L'autre point, c'est... Donc là, vous êtes à Debout Éducation Populaire. Toutes les interventions sont enregistrées. On a une clé sur la sono et vous pouvez les retrouver sur notre site. Vous tapez Debout Éducation Populaire et vous arrivez sur notre site. Le dernier point, c'est si vous souhaitez nous proposer une intervention, on ne refuse aucune intervention, on n'invite personne. C'est-à-dire que tout le monde peut proposer une intervention. C'est pas dans le sens où on... Enfin voilà, vous avez compris. Donc venez nous voir et proposez-nous une intervention. On va revenir sur la place plus régulièrement, enfin pour faire des interventions à partir de mi-mars. Il y aura tous les samedis des interventions sur la place. Merci. Merci pour la présentation. Alors j'ai une question très courte, parce que ça m'a fait penser. pars du... On voit que ta première envie, c'était de partir de l'anticapitalisme et d'un petit côté un peu révolutionnaire. Et que par souci de faire une convergence des luttes, tu proposes la domination et que les luttes se découvrent petit à petit, les unes les autres, que ceux qui veulent pas manger des animaux s'aperçoivent que c'est défendre les ouvriers, etc. Et du coup, est-ce que l'idée de convergence des luttes, parce que moi je suis plutôt un social-démocrate hein, quand j'arrive ici, est-ce que l'idée de convergence des luttes, si on la prend en sérieux, elle serait pas réformiste plutôt que révolutionnaire ? Est-ce qu'il faudrait pas se découvrir petit à petit dans nos systèmes de représentation actuels et remettre à plus tard la nécessité d'une révolution, d'un grand changement qui, en plus d'être obsolète, risquerait d'être violent. Alors obsolète, c'était pour provoquer. Mais bon, est-ce que la convergence des luttes, c'est pas un truc réformiste ? C'est une question ouverte, voilà, c'est tout. Merci. Merci. Attention à ta chaise. Parce que tu répondras à tout. Ouais, par rapport à la solution, par rapport au capitalisme, tu disais que tu n'avais pas forcément de réponse, mais est-ce qu'au fond, le problème, c'est pas... parce que le capitalisme, moi, je dirais plutôt le néolibéralisme, repose sur une anthropologie qui dit que l'homme est un homo economicus, donc que l'homme a tendance à défendre ses intérêts personnels. Et donc, à partir de là, on construit tout un modèle qui repose sur l'homo economicus. Et ce que dit John Stuart Mill... c'est que l'économie politique, donc le néolibéralisme, le capitalisme, en fait, est compétent pour déterminer les meilleurs modes de production, optimiser les ressources, etc., mais pas pour décider de la répartition des richesses. Il dit que la question de la répartition des richesses dépend plutôt du politique. Donc est-ce que tu ne penses pas justement que la solution du capitalisme ne passe pas par un nouveau modèle économique, mais plutôt par des réformes politiques ou une nouvelle forme de représentation politique et de défense de l'intérêt général, en appliquant tout simplement à l'intérêt général le principe de l'homo economicus. Parce que l'intérêt général, il y a deux versions. Il y a la version anglo-saxonne qui nous dit que l'intérêt général, c'est la somme des intérêts particuliers, et là, l'intérêt général française qui dit qu'au contraire, l'intérêt général est contraire aux intérêts particuliers. Donc est-ce que, justement, la solution passe pas par, justement, que les gouvernants partagent les mêmes conditions d'existence que les gouvernés, de telle sorte à ce qu'ils défendent leur propre intérêt. C'est-à-dire que l'idée, ce sera que les députés, par exemple, gagnent le même salaire que le représentant des députés, non, le représentant des ouvriers, par exemple, gagne le même salaire que les ouvriers et qui partagent les mêmes conditions d'existence que les ouvriers. Et donc, forcément, à partir de là, il va produire des lois qui défendront concrètement les ouvriers. Voilà. Donc, l'idée, c'est que, voilà, je pense que la solution passe par la politique et par la question des valeurs, mais pas par l'économie. Allô ? Ouais, désolée, j'ai pas trop l'habitude de parler dans un micro, j'espère que je parle assez fort. Au risque de réinsister, effectivement, il y a des gens qui sont... Ils sont 80, ils sont en train d'occuper la chambre des commerces, c'est ça, il me semble. C'est juste à côté, c'est dans la rue à droite. Moi, j'arrive un peu à la fin, je suis vraiment désolée, j'étais en train d'assister à l'autre réunion qui se tenait en face. D'ailleurs, j'ai pas très bien compris d'où venait la scission entre les deux. Mais voilà, moi, je vous invite, si en l'occurrence l'Assemblée Générale, ici, elle s'est finie, à vraiment créer un mouvement pour aller les soutenir, quitte à ce que ça mène pas vraiment à changer le monde comme ça immédiatement, mais en tout cas, c'est des personnes qui profitent pas d'une organisation qui permette de les soutenir. Ils sont assez isolés, c'est le DAL, ils sont pas en lien avec énormément de monde. Donc voilà, moi je vous encourage, si cette assemblée générale là elle est finie, à faire un mouvement uni pour aller les soutenir, au moins le temps qu'ils se fassent évacuer par la police. Quel est le but du soutien et qu'est-ce que pourrait apporter le soutien ? Oui, bonsoir. J'ai entendu la question de l'argent. J'ai entendu la question de l'argent. Le regretté Bernard Maris ne parlait pas d'argent, mais parlait de crédit. Donc il y a une observation théorique et deux conclusions très pratiques. La première question théorique, c'est que la question de l'argent ne se pose pas trop. Il n'y a qu'à voir comment le fait de faire marcher la planche à billets, ça génère de l'inflation parfois, et dans d'autres cas, ça n'en génère pas. les deux choses pratiques. Donc la question, c'est pas seulement la masse d'argent, mais c'est la circulation avec laquelle elle se fait. Bon, deuxième remarque, ça commence à venir, mais il faut bien distinguer la notion de travail de la notion d'emploi. La notion de travail, tout le monde comprend à peu près ce que c'est dès lors qu'il a essayé de planter un clou ou de déplacer une chaise. Bon, par contre, la notion d'emploi, ça, c'est simplement un lien de subordination entre une personne et un salarié. Par conséquent, oui à la valorisation du travail, qui suppose ou non un outil monétaire et une, dans toute la mesure du possible, réduire le champ de l'emploi. Voilà. Donc ça, c'est la le deuxième point, j'ai oublié. Merci beaucoup. Bon, bah du coup, je te laisse répondre à tout ça. J'espère que tu as pris des notes. Alors, sur la première question, est-ce que la convergence des luttes amène pas le réformisme ? Alors, je pense pas. Je pense pas parce que, en réalité, il y a des réformes qui sont absolument impossibles à mener à l'intérieur du cadre capitaliste. C'est tout simplement pas possible. Bon, je ne vais pas développer là-dessus, mais voilà. Après, ça peut être l'objet d'une discussion. Je pense, de toute façon, tout simplement que les forces dominantes ne se laisseront pas réformer. S'il y a une révolution qui vient, ce sera soit la révolution des dominés renversant les dominants, soit une révolution conservatrice. Et cette révolution conservatrice, c'est le fascisme. On en a eu des exemples. C'est-à-dire que lorsque les forces progressistes remettent en cause le capitalisme sort les tanks, tout simplement, parce qu'il a les moyens de le faire. Donc, j'y crois pas trop. Voilà. Tout simplement parce que les capitalistes sont en fait marxistes dans le sens où ils sont engagés à plein dans la lutte des classes. Ils y sont engagés à plein. Et les seuls, oui, d'une certaine manière, ils la gagnent régulièrement. Donc, je crois pas à la réforme. De ce point de vue-là. En tout cas, la réforme n'atteindra jamais véritablement le but si à un moment donné, elle sera de toute façon contrée par des forces contre-révolutionnaires qui vraisemblablement tireront les premières. Voilà. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, sur le libéralisme et l'homme économique. Je pense que, de toute façon, si j'ai bien compris, vous dites qu'il faudrait simplement que le capitalisme soit fortement encadré sur le plan politique. Mais on ne peut pas attendre des capitalistes qui laissent se développer un outil politique qui remettrait en cause leurs intérêts. Même réponse que tout à l'heure. Ils ne le laisseront pas faire. C'est-à-dire que la logique capitaliste ne se laissera dominer par un appareil politique que si cet appareil politique sert ses intérêts. Sinon, elle n'en voudra pas et elle le renversera. Et encore une fois, elle a les moyens de le renverser si elle le veut. Voilà. Enfin... Ah zut, la troisième question, je l'ai perdue. Oui, sur la distinction entre travail et emploi... oui, enfin, entièrement d'accord. Je ne sais plus où est le monsieur qui l'a posé. La distinction entre travail et emploi est fondamentale. Et il est clair que quand on parle d'emploi, on parle bien d'un rapport de domination. Quand on parle de travail, on remet celui qui fait au centre. Et ça, voilà. C'est du travail que d'aller militer. c'est du travail que d'aller ouvrir des squats ou occuper. Et à partir du moment où on limite dans le discours en face le travail à l'emploi rémunéré, et que on est dans une logique, il faut voir, c'est la logique anglo-saxonne, la survalorisation du travail, dans c'est l'éthique protestante. C'est le capitalisme et l'éthique protestante. À partir du moment où on valorise le travail dans une fusion du christianisme et du capitalisme, la notion de travail, elle devient suspecte. Donc, parce qu'en réalité, ce qu'elle recouvre, c'est l'emploi rémunéré. C'est pour ça qu'effectivement, il faut arriver à... Parce que il faut lutter contre les discours dominants, il faut se réapproprier le vocabulaire, il faut redéfinir un certain nombre de choses. Si le mot capitalisme est devenu impensable et opaque, il faut peut-être penser les rapports de domination. Et de la même manière, quand on parle de travail avec François Fillon, on voit pas la même réalité. Ça n'est pas la même chose. Et donc, quand on parle d'emploi fictif, mais quand même, elle a travaillé, etc., il y a d'énormes problèmes de vocabulaire derrière ça. Et le vocabulaire est un champ de bataille. C'est ça aussi. C'est que quand on distingue travail et emploi, on déclare, d'une certaine manière, la guerre symbolique au capitalisme en cherchant à lui dire qu'il existe du travail hors de sa conception à lui, qui est l'emploi rémunéré et donc le rapport de domination. Revendiquer la séparation entre le travail et l'emploi, c'est dire non au rapport de domination qu'est l'emploi, c'est accepter qu'il existe quelque chose qu'on peut valoriser, mais valoriser pas avec de l'argent, effectivement, c'est quelque chose qui peut avoir de la valeur, qui est utile socialement, mais qui n'est pas dans le cadre capitaliste et donc qui est hors du rapport de domination. Alors oui, bien sûr, effectivement, il y a une domination dans l'économie domestique, bien sûr. J'ai parlé tout à l'heure, vous n'étiez peut-être pas là, des rapports entre hommes et femmes. C'était pas l'objet de mon développement, mais évidemment qu'il y a une exploitation économique des hommes par les femmes. En France, toujours 26%. Excusez-moi, voilà, encore du travail à faire dans la déconstruction. Des femmes par les hommes, elles touchent encore en moyenne 26% de moins... Je l'ai refaite. Pardon. Donc, je reprends. Les femmes sont payées en moyenne en France 26% de moins que les hommes. Vous avez toute une campagne sur 15h40, l'heure à laquelle les femmes seraient censées quitter le travail, donc arrêter les réunions, etc. Voilà, les rapports de domination, il faut essayer de les voir partout et de leur faire la chasse partout. Et évidemment que dans les relations entre hommes et femmes, c'est assez évident aussi. Mais c'est comme tout à l'heure, je parlais de la requalification d'arrestation musclée viol en réunion par des dépositaires de l'autorité publique. Quand on parle de drame conjugal, on invisibilise le féminicide ou l'infanticide. Voilà. Drame, quoi. On théâtralise, en fait. On théâtralise. C'est ce dont je parlais tout à l'heure sur la scène politique avec des protagonistes. Voilà, drame conjugal, c'est... madame, elle écoute plus, du coup. Le drame conjugal, c'est effectivement une manière d'euphémiser, de déplacer quelque chose et de ne pas dire un rapport de domination. C'est pas les femmes qui tuent les hommes. 97%, il me semble, des 97% des violences domestiques sont commises par les hommes sur les femmes. Et de l'autre côté, c'est 1%, 2%, et après il y a les enfants aussi, qui sont les dominés de tout le monde pour le coup. Pardon. Voilà. Je crois que j'ai répondu à tout. Ok, bah merci beaucoup pour ton intervention. Donc je vous rappelle que vous pouvez retrouver les interventions sur Debout Éducation Populaire, donc c'est educpop.debout.org. Il y a aussi la page Facebook Et vous pouvez nous contacter sur... sur ça y est, ça va m'échapper forcément. Enfin bon, vous allez sur le site et il y a un formulaire de contact. Si vous voulez nous proposer des interventions, vous pouvez venir nous voir là. On va vous noter à partir du mois de mars, on va revenir tous les samedis sur la place. Donc n'hésitez pas, tout le monde est le bienvenu pour proposer une intervention, que ce soit sous une forme théorique, sous une forme pratique ou sous toutes les formes que vous voudrez bien nous proposer. Là du coup, on va commencer maintenant une assemblée générale qu'on va juste déplacer la sono pour la mettre au milieu de la place là-bas, enfin collée à la bibliothèque. Et il y a juste une annonce avant, donc restez avec nous. Il y a besoin de soutien, donc toujours au squat rue Léon Joanneau, avec le DAL, c'est une ouverture d'un lieu dans une chambre de commerce et il y a des familles qui sont déjà sur place. Faut venir les soutenir.